إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فكما مررنا في الخطبة السابقة أن أهمية التوحيد ومعنى التوحيد ومعنى العبادة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه فيلزم الكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين لتكون العبادة صحيحة قال الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أي حرم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه بقوله ألا تشركوا به شيئا فالشرك أعظم ذنبا عصي الله به أكبره وأصغره وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن كما عبد أولئك اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان واتخذوا هذا الشرك دينا ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وقال سبحانه وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وقال سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه هذا المشركون علموا ذلك وفهموا أن لا إله إلا الله يلزم لهم أن يكفروا بكل ما يعبد من دون الله وأن يخلصوا العبادة لله جل وعلا ففهموا هذا وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخر هذه الأمة لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه فوقعوا في نفيه أيضا وصنعوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا فنشا على هذا الصغير وهرم عليه الكبير وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فتوب للغرباء وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ، وهو في السنن وغيرها، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وقد ترك هذا، وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع، ولكن الله سبحانه وتعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحججه، ودعا إليه على بصيرة لكي لا تبتل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فله الحمد والشكر على ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. فأما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراط مستقيما. قوله التي عليها خاتمه شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت، أي فلم تغير ولم تبدل. أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه. وقد تضمنت هذه الآية أن يعني في قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قوله أن هذا في هذه المعنى أن لا تتغير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الوحي إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: إذا قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقول معاذ بن جبل رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد على الله؟ فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت، وذلك قوله: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقوله: فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه وتعالى لا يستحقها أحد سواه لغيره كالدعاء والاستغاثة، فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر. وقوله وحق العباد على الله، وقوله وحق العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة، لكن هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إرادتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهبانهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده. والله أعلم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد. Serviteur d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah Azza wa Jal. Craignez Allah Azza wa Jal où que vous soyez, quiconque que vous fréquentiez. Sachez qu'Allah Azza wa Jal nous observe tous constamment. Et sachez que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah, le Très-Haut. Et que la meilleure des guidées est la guidée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahabas. Et que les pires des choses sont toutes choses qui sont nouvellement inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal. Et toutes ces nouvelles choses que les gens inventent dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal, tout cela s'appelle des innovations religieuses. Et sachez que toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Nous avons vu dans la khutba de la semaine passée sur la signification du tawhid, qui est le pur monothéisme. C'est-à-dire que tous les actes d'adoration ne doivent être voués qu'à Allah Azza wa Jal seul. Et lorsqu'on dit les actes d'adoration, cela implique le doa, l'invocation, c'est une adoration. Le fait de craindre Allah Azza wa Jal, une crainte qui est à l'intérieur, une crainte pieuse, c'est une adoration. Donc il ne faut pas l'avouer à autre qu'Allah. Le fait d'aimer Allah Azza wa Jal au-dessus de tout est une adoration. Car nous avons vu ce qui est une adoration, c'est qu'elle regroupe l'amour et l'humilité. Donc, toute forme, toute chose qui ne contient pas les deux n'est pas une adoration. Il est obligatoire qu'il y ait l'amour et l'humilité. Donc, lorsque un individu ressent une sorte d'humilité, celle qu'il ressent lorsqu'il est, par exemple, dans la prière, une crainte pieuse, il essaie de ressentir cette humilité-là, il fait ses efforts. Lorsqu'il ressent cela, ce même sentiment-là, s'il le ressent lorsqu'il visite des tombes ou lorsqu'il invoque des vertueux, eh bien il se met à adorer autre qu'Allah. Car il aime ces vertueux-là, et tout musulman se doit d'aimer les vertueux, les awliya, les bien-aimés d'Allah. On se doit de les aimer. Cela fait partie de l'alliance, qu'on aime les gens pieux, les vertueux, les gens de la sunna. Mais en plus de cela, c'est qu'il ressent cette humilité-là. Donc le fait d'aimer en Allah, ce n'est pas une adoration. Mais le fait de joindre à cela l'humilité, ressentir une humilité envers un mort qui est un vertueux, ressentir cela, penser qu'il peut avoir un impact dans notre vie, ou qu'il risque de rapporter tel malheur si on ne fait pas telle chose, ou qu'on lui dit, eh bien, si ma fille qui est mariée se met à avoir des enfants, je te ramène un mouton, un couscous, etc., comme ça se fait au bled actuellement. Eh bien, lorsqu'il ressent cela et que s'il se dit, si je ne ramène pas ça, je risque d'avoir un malheur, etc., c'est une adoration qu'il voit autre qu'Allah. On doit comprendre vraiment la ibad, hein, ce que cela implique, l'amour et l'humilité. Et que ça ne doit être voué qu'à Allah Azza wa Jal seul. Tout acte d'adoration, que ce soit le dua, que ce soit l'istirata, que ce soit l'istiana, que ce soit rechercher la protection, rechercher le secours, l'amour, on doit aimer Allah Azza wa Jal au-dessus de tout. On doit craindre qu'Allah Azza wa Jal au-dessus de tout. D'accord ? Parce qu'on a cette crainte-là qui est liée avec l'humilité. La crainte qui est liée avec l'humilité. On aime Allah Azza wa Jal, on adore Allah Azza wa Jal par soumission à Allah Azza wa Jal, par amour envers Allah Azza wa Jal et par crainte de son châtiment. Donc on comprend l'adoration. Et on avait vu que l'adoration n'est correcte que si l'on mécroit à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Que si l'on se désavoue en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Pour que ta ibada soit correcte, il faut que tu te désavoues et que tu mécroies en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, Azza wa Jal. Sinon, ton adoration n'est pas correcte. C'est pour cela que j'avais rappelé ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, qui a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. » C'est ça la ilaha illallah. « Et qu'il mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors son sang et ses biens deviennent sacrés et son jugement revient à Allah. » Il est obligatoire pour tout musulman de se désavouer et de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah afin que son adoration qu'il voit Allah Azza wa Jal seul soit acceptée par Allah Azza wa Jal et que ce soit compté comme une adoration. Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, dit « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. » Ne lui associez rien. Ne lui associez rien. Allah Azza wa Jal l'a interdit. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal vous a rendu haram, illicite, l'associationnisme, le polythéisme, yani le shirk, l'associationnisme. Le polythéisme, c'est associé à Allah. Comme je disais, yani, invoquer autre qu'Allah, s'en remettre à autre qu'Allah. Lire les horoscopes, comme certains font, ça c'est du shirk. La semaine dernière, j'avais rappelé ce que les savants de la sunna ont dit. Celui qui lit les horoscopes, c'est comme si qu'il était allé voir un devin. Et celui qui va voir un devin, sa salette n'est pas acceptée pendant 40 jours. Mais s'il a cru à ce qu'a dit cet individu, ce charlatan, eh bien il a mécru en ce qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le shirk, que ce soit l'invocation, commence à invoquer autre qu'Allah. Il y en a même au bled, qu'est-ce qu'ils font ? Lorsqu'ils sont énervés, qu'est-ce qu'ils se mettent à dire ? Ils se mettent à invoquer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent quoi ? Ils disent, « Ya Rasulallah !» Subhanallah. Ils se mettent à dire, « Ya Rasulallah !» Parce qu'ils sont ils ressentent, mais pourquoi cela ? Oh, ya Rasulallah ! Mais subhanallah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Les sahaba radiallahu anhum, lorsqu'il s'est passé les troubles qui se sont déroulés entre eux, ils ne sont pas allés au niveau de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, oh, envoyé d'Allah, nous avons des problèmes, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ils n'ont jamais fait ça. Parce qu'ils avaient une aqidah qui était claire, ferme, pure. Ils savaient qu'ils devaient s'en remettre qu'à Allah azza wa jal seul. Et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et comme Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a dit, quiconque adorait Muhammad, eh bien sachez que Muhammad est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque adorait Allah, sachez qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Donc Allah Azza wa Jal, il a interdit l'associationnisme, le shirk en arabe, on dit. Donc le shirk, qu'il soit majeur ou mineur, est le pire des péchés par lequel Allah est désobéi. La plupart des gens de cette communauté est tombé dans ce shirk, dans cet associationnisme, qui est le pire des interdits. Comme cela se déroulait durant la période pré-islamique, la Jahiliya, avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens, ils adoraient les tombes, ils adoraient les arbres, ils adoraient les pierres, les statues. Al-Lat wa al-Uzza wa Manat, c'était quoi? C'était des rochers, c'était des arbres, des forêts, où est-ce que les gens, ils allaient là-bas et ils invoquaient ces créatures, ces choses, qui n'ont aucune vie. Ils les invoquaient en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ils adoraient des statues. Donc ils ont pris cet associationnisme comme religion, en fuyant d'une façon forte lorsqu'ils sont invités au tawhid d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'ils sont invités à adorer qu'Allah Azza wa Jal, ils renient ça et ils n'aiment pas ça. Ça veut dire que tu veux qu'on adore qu'Allah et qu'on arrête d'adorer nos statues et nos tombes. Donc ça, ils n'ont pas accepté cela. Et ils se mettent même en colère pour les choses qu'ils adorent. Comme Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, et quand Allah est mentionné seul, sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens, et quand le Coran, et quand le Coran, et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, ils tournent le dos par répulsion. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, quand on leur disait, nulle divinité digne d'adoration en toute vérité, excepté Allah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Donc ils ont su que la ilaha illallah, c'est-à-dire nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. On doit comprendre ce que ça veut dire l'ilah. L'ilah, huwa al-ma'bud bihaq, wa al-ma'bud bighayri haq. C'est ça l'ilah. Lorsqu'on dit la ilah, c'est le ilah, ce qu'on traduit par divinité, c'est ce qui est adoré en toute vérité, dans la définition linguistique. La divinité, c'est quoi? C'est ce qui est adoré en toute vérité et c'est ce qui est adoré avec fausseté. Mais on sait que ce qui est adoré en toute vérité, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui doit être adoré. Et c'est en toute vérité, car c'est le seul créateur, seul lui mérite l'adoration. Tandis que les autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah, les statues, les tombes, les pierres, aujourd'hui Bouddha, les croix, tout cela, ce sont des choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Les gens les ont mis au rang de divinité. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à les adorer. Ceux-là, ce sont aussi des aliyah, ce sont des divinités. Mais on dit qu'elles sont fausses. Elles ne méritent en rien l'adoration. Sallallahu alayhi wa sallam mérite l'adoration en toute vérité. Donc ils ont su, eux, les polythéistes, les associateurs, du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont su ce que signifie la ilaha illallah, nulle divinité digne d'adoration en toute vérité, excepté Allah. Ils ont su et compris que cela annule et interdit l'associationnisme dans lequel ils sont tombés. Ils ont ainsi dénigré le tawhid auquel ils ont été invités, les associateurs et les polythéistes de la période pré-islamique sont plus savants du sens de la ilaha illallah par rapport à beaucoup d'entre eux, les derniers de cette communauté. Pourquoi? Parce que les associateurs du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils savaient que l'invocation, le dua, c'était une ibad. Ça, ils le savaient. Ils le savaient, ils le comprenaient que l'invocation, c'était une adoration. Ils savaient qu'ils adoraient leur statue et tout cela. Lorsqu'ils ont été invités à se désavouer, à mécroire à l'adoration qui est vouée à ces statues, eux, ils ont refusé parce qu'ils aiment ces statues-là comme ils aiment Allah. Ils ont compris, ils savaient que l'invocation, c'est une adoration. D'accord? Ils savaient que la recherche de la protection et d'insertion et d'intercession, ils savaient que la recherche de la protection et de l'intercession auprès de leur fausse divinité, ils savaient que c'était des actes d'adoration. Ils savaient que l'amour et l'humilité qu'ils vouaient à leur divinité, leur fausse divinité, étaient des actes d'adoration. Il comprenait que s'il prononçait « La ilaha illallah », il comprenait que cela impliquait qu'il devait renier toute forme d'adoration qu'il vouait à leur fausse divinité, qu'il vouait à autre qu'Allah. Et qu'il devait donc mécroire en l'adoration vouée à autre qu'Allah, et que seul Allah le Très-Haut devait être adoré seul sans associé. Tout cela, ils l'ont compris. Les mouchriquines du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comprenaient tout cela. Alors que les derniers de cette communauté qui s'affilient à l'islam et qui répètent dans chaque prière « C'est toi, oh Allah, que nous adorons et c'est de toi, oh Allah, que nous recherchons l'aide. « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » C'est ce qu'on dit dans chaque salat. Ils le disent. Ils le prononcent. Cependant, ils ne savent pas que le dua est une adoration. Ils ne savent pas que l'invocation est une adoration. Ils ne savent pas que demander l'intercession à autre qu'Allah est une adoration. Avoir cet amour exagéré envers les awliyas et ressentir cette humilité, ce khushu', comme on le ressent dans la salat, ils ressentent lorsqu'ils sont au niveau des tombes, là, en train de tourner, cette crainte qu'ils le ressentent. Ils ne savent pas que cela c'est une ibad, ils ne savent pas que cela c'est une adoration. C'est pour cela que vous trouverez dans les livres des mubtadi'a, des gens de l'innovation et des sectes égarées, qui écrivent « Va à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam » et dit « Oh envoyé d'Allah, je te demande la shafa'a, a'udhu billah. » Hada, il est parti faire une umrah et il est parti annuler son islam. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنَ شْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Il a été révélé à toi, ô Muhammad, et à ceux qui t'ont précédé parmi les prophètes et envoyés, que si tu associes quoi que ce soit à Allah, toutes tes œuvres deviennent vaines et tu seras parmi les perdants. Vous voyez que des individus qui écrivent cela et qui disent « Va dire, oh envoyé !» Ça veut dire qu'il va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils invoquent autre qu'Allah pour une chose que seul Allah azza wa jal peut faire. Il n'y a qu'Allah azza wa jal qui peut permettre l'intercession, la shafa'a. Il n'y a qu'Allah azza wa jal qui choisit qui pourra intercéder à qui. Pour qui. Donc, c'est pour cela qu'ils ressentent donc ce même sentiment que les associateurs et polythéistes de la période pré-islamique, lorsqu'on leur dit « N'invoque pas ce wali, ne lui demande rien, ne va pas le voir ni ne lui apporte rien du tout, ce n'est qu'une créature qui est morte, il ne peut rien te faire, ni t'apporter un bien, ni te protéger contre un mal, ni te donner l'intercession, n'invoque qu'Allah Azza wa Jal seul, ne t'en remets qu'à Allah Azza wa Jal seul. » Qu'est-ce qu'ils se mettent? Ils se mettent à s'enfler d'orgueil et à te regarder comme si que tu es quelqu'un qui manque de respect aux awliyas, et comme si que tu es quelqu'un qui n'aime pas les awliyas, et comme si que tu es quelqu'un qui dénigre et déprécie les awliyas. Subhanallah. Vous voyez comment ils ont inversé les choses. On leur dit, mais subhanallah, les awliyas, ce sont des vertueux. Pour ceux qui étaient des vertueux, on les aime en Allah. On les respecte. Mais on n'invoque pas autre qu'Allah. On ne va pas dire à un homme qui est mort, qui était pieux, on ne va pas lui dire, donne-moi, aide-moi. Il est mort, c'est une créature. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut te donner. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam, les sahabas n'ont rien demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il était mort. Ils n'ont jamais dit au prophète, donne-nous ça ou trouve-nous une solution à la fitna dans laquelle on est. Jamais. Ça, c'est une ibada. Tant que les musulmans ne comprennent pas que le dua, c'est une ibada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ad-dua huwa al-ibada ». L'invocation, c'est l'adoration. Tant qu'on ne comprend pas que ça, c'est une adoration, eh bien, ils continueront donc à associer à Allah Azza wa Jal. Donc, eux, comment ils voient cela lorsqu'on leur dit de ne pas invoquer ces awliyas-là, de rien de leur demander, mais n'invoquer qu'Allah Azza wa Jal seul? Ils voient cela comme un dénigrement des awliyas. Et pour eux qu'on n'est pas en train de les respecter, pour eux que le respect passe par ces actes d'adoration dont eux ignorent que ce sont des actes d'adoration. C'est pour cela que les associateurs du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont plus savants que les derniers de ceux qui s'affilient à cette communauté de l'islam, qui ne comprennent pas en toute vérité le sens de la ilaha illallah. Jusqu'à qu'il y a certains qui viennent et font de la da'wah, la ilaha illallah, c'est de croire sincèrement qu'Allah est ton créateur. Subhanallah, c'est pas ça la ilaha illallah. Donc, ils essaient de convaincre les gens qu'Allah est le créateur. Mais ça, ça fait partie de la fitra. Que tout individu sait, parmi les musulmans et les kuffars, tous savent qu'Allah Azza wa Jal, c'est l'unique créateur. C'est pas ça la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les ayats qu'on lit dans le Coran, que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui fait tout ce qu'il veut faire. Ce n'est pas pour convaincre les gens à ce qu'Allah Azza wa Jal, c'est l'unique créateur. Non! C'est pour leur rappeler que tu sais que c'est seul Allah Azza wa Jal peut faire cela. Seul lui mérite l'adoration. Remets-toi-en uniquement à Allah Azza wa Jal seul. N'invoque qu'Allah, ne t'en remets qu'à Allah. N'adore qu'Allah Azza wa Jal seul, sans associé. Donc ils ignorent ce que signifie la ilaha illallah. Et que cette parole implique, et ce que cette parole implique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup qui se sont affiliés à la philosophie, à la rhétorique. Et ils ont donc ignoré le tawhid de l'adoration. Ils sont tombés donc dans l'associationnisme qui oppose le tawhid. Ils ont ignoré l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et attributs. Et se sont mis à le renier. Il y a certains groupes qui se sont mis à renier l'asma aussi fait. Ils se sont mis à l'invalider en écrivant des livres sur cela et en pensant que cela est la vérité alors que c'est le faux. Et l'étrangeté de l'islam devint de plus en plus forte jusqu'à ce que le convenable est perçu comme blâmable et que le blâmable est perçu comme convenable. Les jeunes sont éduqués sur ces faussetés et les plus âgés se sont bâtis sur ces faussetés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam a débuté comme étranger et redeviendra étranger comme il a débuté. » Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les juifs se sont divisés en 71 groupes. Les Nasara, yani chrétiens, catholiques, tout cela, se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté se divisera en 73 groupes, tous ces groupes en enfer excepté un. Les Sahaba demandèrent, alors lequel sera donc sauvé ou envoyé d'Allah ? Il répondit, celui qui sera sur ce que je suis, moi et mes compagnons aujourd'hui. Et ce hadith, il est authentique et plusieurs de ces narrations de ce hadith sont authentiques. Et il y a une incompréhension de ce hadith-là par beaucoup parmi des gens qui s'affilient à la science, qui s'affilient à la da'wah, ou même parmi les communs des musulmans qui sont influencés par les prédicateurs aux portes de l'enfer. Ils leur font croire que, eh bien si tu dis ce hadith, ça veut dire que tous les musulmans c'est des kuffars, et qu'il n'y en a qu'un seul qui n'est pas des kuffars. Pourquoi ? Parce qu'ils vont en enfer. Vous voyez comment ils tournent ? Alors que ceci est une mauvaise compréhension du hadith. Il faut différencier le wa'd et le wa'id. Le wa'd, la promesse d'Allah Azza wa Jal, elle va arriver. Tandis que nusus al wa'id, les textes concernant la menace, eh bien, l'individu qui est sous la menace, qui meurt en ayant pratiqué des péchés majeurs, sans s'en être repenti, il est mort, il est sous la menace d'un châtiment. On craint pour lui un châtiment en enfer. Cependant, on sait que le wa'd, la promesse d'Allah Azza wa Jal, elle s'appliquera. Tandis que le wa'id, si Allah Azza wa Jal n'applique pas cette menace-là, c'est par bonté d'Allah Azza wa Jal et par miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc si Allah Azza wa Jal veut pardonner ce musulman qui est mort sur un péché majeur, il le pardonne de par sa miséricorde. Mais s'il le veut châtier, il veut le châtier, il le châtie de par sa justice. Donc le wa'id, eh bien, ce sont en fait, ce hadith-là concerne le wa'id, c'est-à-dire qu'ils sont menacés par l'enfer. S'ils meurent sur cela, sur leur égarement, ils sont menacés par une entrée en enfer et ils sont sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc, il s'est donc passé ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a informé après les trois premiers siècles. C'est pour cela que l'ignorance sur le tawhid, qui est le fondement de la religion de l'islam, s'est étendue et généralisée. Le fondement de l'islam étant que nul n'est en droit d'être adoré en toute vérité excepté Allah, et qu'Allah est adoré uniquement par ce qui a été légiféré par Allah à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela fut donc délaissé par de nombreuses personnes s'affiliant à cette communauté en se divisant en des groupes différents. Voilà comment on en arrive à la division. Lorsque les gens de la sunna disent « Venez, on s'unit sur le haq, sur le Coran et la sunna », les gens qui font leur propre groupe ne veulent pas cette union-là sur le haq. Mais chacun est content de ce qu'il a. Chacun veut rester dans son groupe. On dit « Venez, notre juge, c'est le Coran et la sunna », et qu'on se regroupe sur le haq. Les musulmans doivent être unis sur le haq. Mais lorsque l'on dit cela, les groupes innovés, les sectes égarées, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils divisent la communauté. Pourquoi? Parce qu'on leur dit « Arrêtez de suivre votre égarement et revenez vers la sunna ». Subhanallah. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit « Quiconque voudrait lire le testament de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur lequel il aurait apposé son sceau, qu'il lise la parole d'Allah le Très-Haut, dit « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien jusqu'à sa parole ». Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Par cela, Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, mentionnait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cessé d'inviter au tawhid d'Allah depuis qu'Allah l'a envoyé jusqu'à sa mort. Et ces versets contiennent des ordres et des interdits. Comme Allah le Très-Haut a dit, concernant Ibrahim a.s., qui est l'ami rapproché d'Allah le Très-Haut, et quand son Seigneur lui avait dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Et c'est ce qu'Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Yaqub. « Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en soumis à Allah ». Et ce qu'a voulu dire aussi Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, donc sa da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est restée inchangée. Depuis le début jusqu'à la fin, il invitait les gens à unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Que ce soit en période de paix, en période de guerre, lorsqu'il était malade, lorsqu'il était allongé. Dans tous les cas, à chaque fois, il rappelait cela. Et même lorsque il... Vous connaissez tous ce hadith-là, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour une ghazwa, pour une bataille, avec ses sahaba à Hunayn, et qu'il y avait des sahaba qui étaient fraîchement convertis à l'islam. Il n'y a pas longtemps qu'ils s'étaient convertis à l'islam. Et qu'ils ont vu des associateurs poser leurs armes sur un arbre, recherchant une sorte de baraka. Eux, lorsqu'ils ont vu ces sahaba fraîchement convertis à l'islam, lorsqu'ils ont vu cet acte-là, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'ils pouvaient leur faire comme eux, ils faisaient. Regardez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsque vous lisez le hadith. Il n'a pas dit « Ah non, mais là, on est en bataille, peut-être que si je leur interdis, ils vont commencer à se disperser. » Non ! Il faut que la aqida soit claire, elle soit ferme. « Wa la yansurunna Allah, man yansuruh, inna Allah ala qawiyun aziz. » Allah donne la victoire, supporte ceux qui supportent sa cause. Allah Azza wa Jal, il est puissant. Il donne la victoire à qui il veut. Donc il faut avoir une croyance qui est ferme. Et donc il aura interdit cela. Et il aura rappelé que cela, c'est de l'associationnisme. Donc dans tous les cas, dans toutes les conditions, du début jusqu'à la fin, la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était la même. Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu a dit « J'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Il me dit « Ô Mu'ad, sais-tu quel est le droit des serviteurs envers Allah et quel est son droit envers eux ?» Je répondis « Allah et son prophète sont plus savants. » Et le fait que Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu dit « Allahu wa rasuluhu a'lam », ça c'est du temps du vivant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit plus « Allahu wa rasuluhu a'lam », on dit « Allahu a'lam ». Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit Mu'ad radiallahu anhu, je répondis « Allah et son prophète sont plus savants ». Il continua alors « Le droit d'Allah sur ses serviteurs ». Le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et que ses serviteurs l'adorent sans rien lui associer. Ça c'est le droit d'Allah. Et le droit des serviteurs sur Allah le Très-Haut, et qu'il ne les châtiera pas, et qu'il ne châtiera pas celui qui ne lui aura rien associé. Je m'écriai, ô prophète d'Allah, puis-je répandre cette bonne nouvelle parmi les gens ? Il dit, ne l'annonce pas car il risquerait de ne s'en remettre. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Et lorsqu'on lit dans le hadith, le droit des serviteurs sur Allah, il faut se rappeler que personne ne peut imposer quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui s'est imposé ce droit à lui seul. Comme il s'est interdit l'injustice, il s'est imposé le droit qu'il ne châtiera pas celui qui ne lui associe rien du tout. On demande à Allah Azza wa Jal de nous montrer la vérité comme étant la vérité et qu'on la suive, et de nous montrer le faux comme étant le faux et qu'on l'évite et s'en écarte et s'en désavoue. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa barik lana fi ma a'tayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt. اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد